إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Il n'y a pas longtemps, j'avais sorti un audio dans lequel je lisais une lettre à un de mes anciens amis qui avait été incarcéré pour différentes raisons. Et parmi les choses qui l'ont poussé ou qui ont causé sa tombée dans certains délits qui lui ont coûté justement cette incarcération, c'est qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Une personne que je connais depuis très longtemps, même depuis l'époque du collège. Et malheureusement, il était devenu en quelque sorte alcoolique. Converti à l'islam, il avait prononcé les deux attestations. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Wallah musta'an. Donc, dans cette lettre que je lui avais écrite, je lui faisais nasiha afin de l'encourager à revenir et à se réformer et à améliorer sa situation. Et dedans, je voulais évoquer des causes pouvant lui permettre, justement, bi'idhnillahi ta'ala, de se délier de cette dépendance qu'il avait de l'alcool, qui était l'un des principaux freins dans son avancée religieuse. Mais par peur de trop allonger, justement, cette lettre, je n'ai pas cité tous les points de façon détaillée avec leurs preuves. Surtout que je n'avais pas affaire à une personne qui était vraiment ancrée dans l'islam comme il se doit, donc cela aurait pu être d'une lourdeur pour lui de lire tout cela. Mais j'ai vu comme étant bon d'en faire un sujet à part, qui va être, inshallah ta'ala, exposé ici. Également, bi hasb ma talartu alayhi min al-adillah, d'accord, ce que j'ai pu moi voir comme preuve, bien qu'il doit en avoir bien d'autres, connu auprès d'autres personnes qui m'ont échappé à moi, ou à Kaza. Donc ça, c'est une chose qui touche beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Des choses sous l'emprise desquelles ils étaient auparavant, avant d'être musulmans, ou même avant d'être repentis, ou peut-être même en étant sur une forme de droiture apparente, ils ont cette défaillance qui est cette accoutumance et la dépendance de certaines choses qui sont illicites en religion. Parmi elles, on peut trouver par exemple l'alcool, on peut trouver les drogues sous leurs différentes formes, on peut trouver ceux qui sont éprouvés par le zina, la fornication, qui n'arrivent pas à s'en délier, ceux qui ont encore leurs anciennes petites amies, ou le contraire, les femmes qui ont leurs anciens petits copains, ceux qui fument, qui sont éprouvés par le tabac, la cigarette, la musique, ou le fait de regarder des films, ou les jeux vidéo, ou même des choses qui peuvent être permises, mais pratiquées à outrance, au point d'en délaisser les obligations et d'y perdre son temps et son argent. Car certaines de ces choses provoquent une dépendance physique. Et d'autres, ce n'est pas aussi intense, mais la personne en est éprouvée du fait que c'est une fitna pour lui, une tentation pour lui. Il en est obsédé du fait qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser et à délaisser la chose. Et là, je tourne mon discours vers les gens, vers les musulmans, les croyants, qui ont un réel désir d'arrêter. Qui ont un réel désir d'arrêter, vraiment. Quant à celui qui se complaît à s'adonner à ce genre d'interdit, « وَمَنْ لَمْ جَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا » Et celui à qui Allah n'accorde pas de lumière, il n'a aucune lumière. Donc cette dépendance à ces choses interdites est considérée comme étant une maladie du cœur. Et toute maladie a un remède. Comme le prouve le hadith rapporté par Jabir, « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء » فَإِذَا أُصِبَ دَوَاءُ الدَّاءِ bara'a bi'iznillahi azza wa jal. Qu'il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que chaque mal a un remède. Et que si jamais le remède atteint le mal, il sera guéri avec la permission d'Allah azza wa jal. Hadith rapporté par muslim. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son fameux livre qui est Adda wa Dawa, qui est le remède, le mal et le remède, c'est-à-dire le péché et comment s'en délier, il dit, par rapport à la maladie, wa zayyum adwa al-qalb wa ruh wa al-badan, que ce hadith, ce jugement, justement, concerne également les maladies du cœur, de l'âme et du corps, toute forme de maladie. Cela pousse le abd à faire des causes pour s'en débarrasser. Il ne peut rester comme ça, inactif, et attendre que cela se fasse tout seul. Cela amène à pousser à faire des causes. Tout comme une personne qui est malade d'une maladie physique liée à son métabolisme et qui voudrait se voir guérir, il va faire des causes. Il va aller voir un médecin, il va se renseigner sur les médicaments qui sont à prendre et il va suivre le traitement qu'on va lui donner. Les maladies du cœur, il en est de même. Il faut que la personne fasse un effort sur elle-même pour tenter de changer. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Que Allah ne change pas ce qui est en un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Donc, il y a des causes à faire en premier lieu pour que Allah te permette d'obtenir la réussite par la suite. Et là, on va citer certaines causes, certaines d'entre elles, qui sont à la portée de tous, bi-iznillah ta'ala, afin d'aider celui qui atteint ce mal de pouvoir s'en sortir. En premier lieu, parmi ces causes de guérison, et l'une des plus importantes, al-ilm, le savoir, la science. Et ce ilm, il inclut plusieurs choses. Tout d'abord, savoir que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut t'accorder le tawfiq. Wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Que ma réussite ne provient que d'Allah. Et c'est en lui que je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens. Et le tawfiq, c'est que Allah te permet d'agir selon sa volonté législative. Donc de faire ce qu'il aime et qu'il agrée. Et ça, le tawfiq. Le tawfiq, c'est pas forcément, comme des gens s'imaginent, réussir dans ce bas monde, avoir un commerce fructueux ou kaza ou kaza. Ça, c'est une chose qui est accordée même aux mécréants, peut-être plus qu'à nous. Le tawfiq dont on parle, c'est le tawfiq chez les gens de la sunna qui est que Allah te permette de faire ce qu'il aime et qu'il agrée. C'est-à-dire les actes de bien dont tu profites dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah, lui seul, peut te libérer de ton mal. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُورٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Que si Allah t'atteint d'un mal, personne ne pourra te retirer en dehors de lui. Et si, justement, il t'atteint d'un bien, alors sache qu'il est omnipotent. Ce ilm amène kadhalik à la crainte d'Allah, qu'on peut appeler al-khashiyah, qui est le fait d'avoir peur d'une chose avec savoir et avec ta'zim, une chose que tu sublimises. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls craignent Allah les savants, ceux qui ont le savoir. L'imam Sa'adi, rahimahullah ta'ala, dans ce verset, il dit, en tafsir, فَكُلُّ مَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْلَمْ كَانَ أَكْثَرَ لَهُ خَشِيَةً. Que plus toute personne qui a, plus elle est savante de qui est Allah, et plus cela lui rajoutera de la crainte. وَأَوْجَبَتْ لَهُ خَشِيَةُ اللَّهِ الْإِنْكِفَافِ عَنِ الْمَعَاصِي وَالْإِسْتِعْدَادِ لِلِّقَاءِ مَنْ يَخْشَاهُ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى فَضِيلَةِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ دَاعٍ إِلَى خَشِيَةِ اللَّهِ. Et que cette crainte, justement, va le pousser à délaisser les désobéissances et à se préparer pour la rencontre de celui qu'il craint, c'est-à-dire pour le jour dernier. Et cela est une preuve démontrant le mérite du savoir, du ilm. Car ce ilm, justement, amène à craindre Allah. Ce ilm inclut également, ou il en résulte également, la taqwa, la piété. La taqwa, c'est de mettre une protection entre toi et le châtiment d'Allah et sa colère. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Que ceux qui pratiquent justement la piété, lorsqu'une suggestion de shaitan les touche, se rappellent, c'est-à-dire du châtiment, et les voilà devenus clairvoyants. Un verset. Allah explique bien par rapport à cela que le muttaqi, le pieux, lorsqu'il est tenté d'une chose et se rappelle d'Allah, il délaisse. Ce ilm, ce savoir, amène également à ressentir al-muraqaba, que tu te sens surveillé par Allah, que Allah voit tout ce que tu fais. Comme dans le hadith de Jibril, lorsqu'il interrogea le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, ma l'ihsan? Qala al-ihsan, an ta'bud Allah kannaka tarahu, fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Il lui a dit, quelle est l'excellence? Il a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Sache que lui te voit. Donc cela mène à quoi? Si tu sais que tu es sous la surveillance et que l'on te voit, ça va t'amener à délaisser la chose qui t'a été rendue interdite. Ce ilm englobe le fait de connaître les adillah, les preuves du tahrim, du côté illicite de ces choses à laquelle on s'adonne et de ces choses dont on est dépendant. Et nous montre la gravité de les commettre et de connaître le châtiment qui en découle. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, à propos de Yusuf alayhi salam, lorsque la femme de l'Aziz a voulu le séduire et le pousser à commettre l'interdit, wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih kadhalika linusrifa anhu as-su' wal fahsha innahu min ibadina al-mukhrasin. Qu'elle a été attirée par lui et que lui aurait été également attiré par elle s'il n'avait pas vu une preuve de son Seigneur. Hada wa shahid ra burhana rabbih, qu'il a vu une preuve de son Seigneur. Et c'est de cette façon-là que nous avons détourné de lui le mal ainsi que la turpitude, car il fait partie de nos serviteurs sincères. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, toujours il dit par rapport à ce verset-là, وَرَهَا مِنْ بُرَهَنْ رَبِّهِ. Le fait qu'il avait une preuve de son Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? وَهُوَ مَا مَعَهُ مِنْ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ. C'est ce qu'il avait avec lui comme savoir et comme iman, comme foi. الْمُوْجِبُ لِلْتَرْكِ كُلِّ مَا حَرَمَ اللَّهِ وَمَا أَوْجَبَ لَهُ الْبُغْضُ وَالْكِفَافِ عَنْ هَذِي الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيرَةِ. Justement, donc ce savoir et cet iman vont le pousser obligatoirement à délaisser tout ce que Allah aura rendu interdit et qui l'obligera à s'en éloigner et à délaisser. C'est-à-dire cette désobéissance qui est immense, qui était la fornication. À connaître le châtiment qui découle de cet acte qui est immonde, qui est la fornication, qui est le fait d'avoir des rapports sexuels en mariage. Donc, connaître ces preuves est une chose qui te raffermit de l'acte que tu commets qui est interdit. Car celui qui ne sait pas sera amené à écouter n'importe qui, puis à recommencer. Donc il ne faut pas se contenter de dire « j'ai entendu » ou « on m'a dit » ou « on m'a appris ». Non, il faut que tu saches avec preuve telle chose que tu fais, elle est interdite. Car Allah Azza wa Jal a dit tel verset dans le Coran, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tel hadith dans la sunnah, ou que les savants ont déduit de tel verset et de tel hadith tel jugement. Faut le savoir. Car malgré que tu entends une chose qui soit vraie, en connaître les dalils pour être sur la certitude, cela pourra te permettre également d'être plus persuasif et de pouvoir conseiller autrui par la suite également. Inch'Allah ta'ala. Toi, ça t'a profité à toi, mais également, ça profitera aux autres. Et ce ilm amène également à en connaître les méfaits, selon la raison également, et les répercussions des choses que tu commets. Savoir qu'est-ce que cela peut te coûter. Dans le Coran, Allah dit à propos de Yusuf dans son histoire, قَالَ رَبِّ أَسِجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَتَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنِ الْجَاهِلِينَ. Que Yusuf, après que les autres femmes soient venues également et aient voulu le séduire, Il a dit, dans le sens, au Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'appelle. Et que si jamais tu ne me préserves pas de leur complot, je pencherai vers elle et je serai du nombre des ignorants. Je serai du nombre des ignorants. L'imam Sa'di toujours, je prends souvent l'imam Sa'di car ses expressions sont très claires et très simples. Il dit par rapport à ce verset, فَإِنَّ هَذَا جَهْلٌ C'est-à-dire cela est de l'ignorance que de pencher vers le mal auquel on nous appelle. لِيَنَّهُ أَثَرْ لَذَّةِ الْقَلِيلَةٍ مُنْغَصَةٍ على لذات متتابعات وشهوات متناوعات وشهوات متناوعات في الجنة النعيم. Car cela va amener à quoi ? À faire prévaloir un plaisir minime et éphémère, temporaire, sur différents plaisirs, divers plaisirs et désirs et variés que l'on aura dans les paradis de délices. Donc c'est de l'ignorance de faire cela. وَمَنْ أَثَرَ هَذَا عَلَى هَذَا فَمَنْ أَجَهْلَ مِنْهُ Donc celui qui aura fait prévaloir ce petit plaisir minime, temporaire, sur ce grand nombre de plaisirs par la suite, indénombrables et même inimaginables, qui seront même éternels, qui donc est plus ignorant que celui qui aura agi de la sorte. فَإِنَّ الْعِلْمُ وَالْعَقْلِ يَدْعُوا إِلَى التَّقْدِيمِ أَعْظَمِ الْمَصْلَحَتَيْنِ وَأَعْظَمِ اللَّذَّتَيْنِ وَيُؤَثِّرْ مَكَانَ مَحْمُودِ الْعِقَابَةِ Car justement la science ainsi que la raison amènent à faire prévaloir ce qui est plus, on va dire, avantageux pour la personne et de plus grand plaisir et qui amène justement à une fin louable. Donc délaisse cette chose-là qui ne durera pas pour pouvoir obtenir celle qui durera par la suite. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ أَبْقَى Et l'au-delà est meilleur et plus durable. Le ilm également, ce ilm qui amènera à connaître le remède pour pouvoir guérir de ce mal. Comme l'a rapporté l'imam Ahmed dans son Mousnad, selon Usama ibn Shurayk ou Sharik, أن رجلا قال يا رسول الله أن تداوى قال تداوى فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجاهله من جاهله. Qu'il est dit qu'un homme a dit au message d'Allah, devons-nous nous soigner? Il a dit, soignez-vous. Car Allah n'a pas fait descendre un mal sans y avoir descendre également avec lui le remède. L'aura su celui qui l'aura su, il l'aura ignoré celui qui l'aura ignoré. Donc, le remède, il faut le connaître. C'est un ilm qu'il faut avoir. L'imam al-Sa'di toujours dit dans son explication de sa manzouba, sa poésie, Al-Qawaid al-Fiqhiyya, à propos du ilm, il dit « إِنَّوْ يُزِيلُوا عَنِ الْقَلْبِ شَيْئَيْنِ وَهُمَا الشُّبُهَاتِ وَشَهَوَاتِ » Que la science, justement, aide à faire partir du cœur deux choses, qui sont les ambiguïtés ainsi que les désirs. فَالشُّبُهَاتُ تُورِثُوا الشَّكِ وَالشَهَوَاتُ تُورِثُوا دَرَنَ الْقَلْبِ وَقَسْوَاتُ وَتُثْبِتُوا الْبَدَنَ نَتَّعَاتِ Que les ambiguïtés, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles apportent le doute. Alors que les shahawat, les désirs, d'accord, les désirs, eux, amènent aux impuretés du cœur et à sa dureté et empêchent justement le corps d'appliquer les adorations, de vouloir trop de choses, d'avoir trop de désirs, trop fort. Par la suite, il dit également, rahimahullah ta'ala, al-imanu at-tam al-muwassilu lil-'abdi li kulli matlub al-musmiru lil-a'mal as-saliha الذي وضد الشهوات فكلما ازداد الانسان من علم من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الاراده. Donc justement cette foi complète qui amène le serviteur à tout ce qu'on attend de lui et qui dont on résulte justement les œuvres pieuses, cela est l'opposé justement des shahawat, des désirs. Cette foi parfaite s'oppose justement à ce côté avide d'assouvir ses désirs. Donc plus la personne justement aura de la science profitable, plus il aura justement une certitude et plus il aura de la volonté, ce qui l'amènera à pouvoir délaisser biznillah ta'ala. Ça c'était la première cause qu'on cite, qui était al-ilm, avec ce que cela englobe, ce que cela inclut. Deuxième chose, At-tawba an-nasuh, la tawba sincère, le repentir sincère. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah de façon sincère, afin que votre Seigneur puisse vous expier vos fautes et vous faire rentrer dans des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc cette tauba est une cause pour que Allah te pardonne tes fautes et te fasse rentrer dans le paradis, ce qui amènerait à ce que tu délaisses les choses mauvaises. Et cette tauba, comme on l'avait cité auparavant, elle a des conditions. D'accord ? D'avoir la ferme intention d'arrêter. Et d'arrêter, ou plutôt, et d'arrêter de ne pas recommencer. Et d'arrêter sur le champ. Et de regretter l'acte qui a été accompli. Ou l'acte qui a été commis. Donc la personne doit avoir la ferme intention d'arrêter. Et d'être sincère avec Allah. Et d'être sincère envers elle-même. Cette sincérité, elle est très importante. Dans le verset qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Yusuf alayhi salam. Lorsque Allah Azza wa Jal il a dit وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرَهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ نُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْرَصِينَ. Qu'elle aurait été attirée par lui et qu'il aurait été attiré par elle s'il n'avait pas vu une preuve de son Seigneur. Et c'est de la sorte que nous détournons justement de lui le mal ainsi que la turpitude. Et là le shahid du verset c'est lorsqu'il dit dans le sens car il faisait partie de nos serviteurs sincères. Il était sincère, Yusuf alayhi salam. Et il avait la science. Donc de cela, ça a été parmi les causes que Allah puisse le sauvegarder. Troisième cause que l'on peut citer également, ad-du'a, l'invocation de façon générale. Ou iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, wa ujibu ad-da'wata ad-da'i iza da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Que si mon serviteur t'interroge à propos de moi, alors dis-lui, je suis proche, que je réponds à l'invocation de celui qui m'appelle, et qui croit en moi, et qu'il me réponde, dans le sens qu'il réponde à ce que veut l'islam de lui, afin qu'il soit sur la droiture. Afin qu'il soit sur la droiture. Et parmi les invocations, il y a celles qui sont particulières, comme al-isti'aza, al-isti'aza, le fait de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et que si jamais Shaitan t'incite à faire du mal, alors cherche refuge auprès d'Allah, il est certes parfaitement audient et omniscient. Donc quand une chose te vient à l'esprit et te tente, cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, car Allah il t'entend, il est omniscient et il te préservera bi-iznillah. Troisième cause que l'on cite ici également, faire le premier pas, aller de l'avant, agir, ne pas rester comme ça assis et attendre que cela se passe. Dans le hadith rapporté par Abu Huraira, Al-Muttafaqun alayhi, يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وَإِذَا جَاءَنِ يَمْشِيَتْ آتَيْتُهُ هَرْهُوَلَةً. Que si jamais mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapprocherai de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je m'approcherai de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je irai vers lui en accourant. Comprendre du hadith que le peu que tu feras, mais que tu le feras quand même, Allah te donnera plus par la suite. Donc fais le premier pas vers lui et tu en verras les fruits bi'iznillah ta'ala. Et fais-les correctement. C'est très important. Il faut agir. On a dit au début, Inna Allah ma yughayyiru ma bikumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim, que Allah ne change pas ce qu'il y a en un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Ça revient à ce verset également. On cite là une cinquième cause qui est de multiplier les bonnes actions en vue d'en faire un tawassul ila Allah. C'est-à-dire que par le biais de ces bonnes actions, tu en fais une forme d'intercession auprès d'Allah pour qu'il t'exauce dans tes demandes, dans le moment de détresse et de difficulté. Ibn Omar, radiallahu anhu, a rapporté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce fameux hadith qui est connu par beaucoup d'entre vous, de ces trois personnes qui étaient parties et qui ont passé la nuit dans une caverne. Et une fois entrés dans la caverne, un rocher tombé de la montagne et il a bouché la caverne sur eux. Faqalu innakum lanunjiyakum min hadhal sakhra illa an tad'u Allah tabaraka wa ta'ala bi salih amalikum. Il a dit, vous ne pourrez être justement secouru de cette caverne si ce n'est qu'en invoquant Allah par vos bonnes actions. Car ils étaient, à ce moment-là, ils étaient coincés. Aucune échappatoire pour eux. Donc chacun a invoqué en citant une bonne action qu'il a faite, en espérant qu'Allah le libère. Une bonne action qu'il a faite avec sincérité. Le premier a cité sa bienfaisance envers ses parents, à tel point qu'il a fait devancer ses parents sur ses propres biens et sa propre famille, une nuit entière, à rester debout, à attendre qu'ils se réveillent pour leur donner du lait à boire. Le deuxième était épris de sa cousine. Elle était la personne qu'il aimait le plus. Il était amoureux d'elle. Et il voulait, justement, avoir des rapports avec elle. À chaque fois, elle le refusait jusqu'au jour où elle était dans le besoin. Et il lui a dit, je te donne telle somme d'or, à condition que tu me laisses avoir des rapports avec toi. فَمَا كَنَتْهُ مِنْهَا. Elle a laissé, justement. Mais une fois qu'il était au-dessus d'elle, sur le point de faire l'acte, elle lui a dit, اِتَّقِ اللَّهِ وَلَا تَفُودْ الْحَاطَمِ لِبِحَقِّي. Elle a dit, crains Allah. Et ne m'effleure pas, si ce n'est dans le droit, c'est-à-dire de façon légitime, c'est-à-dire par le mariage. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il a laissé, tout en lui laissant l'or qu'il avait donné. Et le troisième dit qu'il avait des employés qui ont travaillé pour lui. Il les a tous rémunérés, à part un qui était parti, sans prendre sa paye. Cet argent-là, il l'a investi, par lequel il a pu obtenir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Puis cet employé est revenu un temps après. Il a réclamé ses biens, sa paye. Et il lui a dit, cet homme, tout ce que tu vois là comme vache, comme esclave et autres, c'est à toi. L'esclave, il a dit, Est-ce que tu te moques de moi? Car moi, ma paye, c'est pas tout ça. Il a dit, je ne me moque pas de toi. Tout cela est à toi. Pourquoi? Car à la base, cet argent que tu vois là, c'était le fruit de ta paye. Donc, à ce moment-là, son patron, cet homme-là aurait été en droit de lui donner la paye et de garder le reste. Mais il lui a tout donné. Il lui a tout donné. Donc ces trois hommes ont invoqué Allah, chacun en citant la bonne action, en demandant à ce que Allah les libère de cette caverne. Chose qui s'est faite au final. Le rocher a fini par bouger, ils ont pu sortir. Également, il y a l'histoire de Ibrahim alayhi salam avec Sarah, qui était sa femme. Lorsqu'ils sont rendus en une terre, en un royaume, royaume d'un homme qui était un tyran et qui avait pour coutume de prendre toutes les belles femmes qu'il voyait pour assouvir ses besoins avec elles. Et Sarah était très belle. La femme d'Ibrahim alayhi salam était très belle. Donc ce Malik fut informé de la venue de Sarah. Faqala Ibrahim, lorsqu'il était interrogé à propos d'elle, il a dit Inna urti, elle est ma sœur, c'est-à-dire ma sœur en religion. C'était ça, sa niya. Et lorsqu'il est revenu auprès de Sarah, il a dit cela pourquoi? Parce que le Malik, s'il avait su qu'elle était sa femme, il l'aurait tuée. Pour pouvoir s'accaparer de cette femme. Donc Ibrahim a eu peur pour sa vie à ce moment-là. Donc il a fait une tawliya. Et cela est une chose qui est permise en religion dans des cas particuliers. Donc il a dit à Sarah, il n'y a actuellement sur terre aucun croyant à part toi et moi. Donc ne me démens pas auprès de ce roi et dis que tu es ma sœur. Fahad al-Malik. Da'a hadil mar'a. Il l'a convoqué afin qu'elle vienne. Elle s'est rendue auprès de lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait l'ouzo, elle a fait salat. Et Ibrahim également a fait salat en invoquant Allah Azzawajal. Mais elle particulièrement, ma zakalat fi du'a'iha fi salat, qalat Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji. Elle a dit comme invocation au Allah, elle a invoqué par son plus grand nom. Elle a dit, si j'ai cru en toi et en ton messager qui était Ibrahim et que j'ai fait preuve de chasteté, si ce n'est avec mon mari, alors ne laisse pas ce mécréant s'emparer de moi. Elle a invoqué Allah Azzawajal en citant sa foi à son Seigneur, à son messager, et en la chasteté dont elle a fait preuve, donc les bonnes actions qu'elle a. Ça, c'est ce qu'elle a fait sincèrement. Donc, Alef Routa Hatta Rakida Birijli. Il a été dit que ce Malik, quand il a voulu s'emparer d'elle, il a commencé à suffoquer comme s'il était en train de. Il était asphyxié. Dans une autre version, il dit que sa main venait vers elle, il ne pouvait pas la saisir. Sa main était comme retenue. Il ne pouvait pas la toucher. Et cela s'est produit 3 fois. Au final, il a dit quoi? Il a dit quoi? Rudduha. Fainnama ursitum ilayya shaytanan. Il a dit quoi? Renvoyez-les. Renvoyez-la. Car vous ne m'avez envoyé qu'un shaytan. Ce n'était pas une femme, c'est un shaytan que vous m'avez envoyé. C'est-à-dire qu'il n'a rien pu faire contre elle. Donc Allah Azzawajal l'a sauvegardé. 6e cause, tenter de trouver un remplaçant légiféré qui apporte profit. Cet acte que tu commets, qui a mal pour toi, délaisse-le et comble-le. Le manque, c'est-à-dire quand je dis le manque, pas le manque, le besoin de retrouver cette chose-là, mais le temps que tu y es passé, ou l'argent que tu y es dépensé, fais-le dans le bien. Fais-le dans le bien. Passe ce temps dans le bien, cet argent, dépense dans le bien, et tout ce que tu faisais qui amenait à ce mal, fais-le dans le bien. Et la meilleure chose par laquelle on remplace le mal, c'est par le bien. En premier lieu, en faisant des actes d'adoration obligatoires, puis en multipliant les actes surrogatoires. Quand Allah Azza wa Jalla fi hadith Qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi. Tayeb, mon serviteur ne s'approche pas de moi parce qu'il est plus aimé auprès de moi que par les actes que je lui ai rendus obligatoires. Donc Allah aime les actes obligatoires en premier lieu. Thumma qala wa ma zala 'abdi yataqarrab ilayya bil nawafil hatta uhibba. Et que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Qala fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Je serai l'ouïe par laquelle il l'entend. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih. Je serai la vue par laquelle il voit. Wa kuntu rijlahu allati yamshi biha. Je serai sa jambe par laquelle il marche. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha. Je serai sa main par laquelle il saisit. Wa in sa'alani la u'tiyanna. Et s'il me demande, je lui donnerai. وَلَسْتَعَذَنِي لَأُعِذَنَّ لَأُعِذَنَّ. Et si jamais il recherche refuge auprès de moi, je le réfugierai, je lui apporterai l'abri. Le hadith, il regroupe presque tout ensemble. Subhanallah. Allah devient ta jambe par laquelle tu marches. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il t'accorde la réussite de marcher vers les endroits de bien. Fini de se diriger vers le lieu de mal. Tu te diriges vers les lieux de bien. كُنْتُ Yadahu alati yabtishu biha, je serai sa main par laquelle il saisit. Fini de faire du mal avec ta main. Les choses que tu fais avec ta main, que tu commets comme mal, c'est fini, tu feras du bien avec cette main-là. Comme lire le Coran, comme les tasbihat, tahlilat avec tes doigts, de faire les afkar, aurait les alika. Wa kuntu sam'ahu alati yasma'u bihi, je serai son ouïe par laquelle il l'entend. Fini d'écouter, d'utiliser ton oreille pour écouter du mal, comme la musique, les mauvaises paroles, aurait les alika. Tes oreilles, tu les mets au service du bien. Tu écoutes du Coran, tu écoutes le ilm, tu écoutes les conseils, tu écoutes le rappel, tu écoutes les bonnes paroles. Wa kuntu basarahu allazi yubsiru bih. Je serai sa vue par laquelle il verra. Également, fini de regarder les choses qui sont interdites. Regardez les femmes, regardez les films, regardez les choses qui sont à la télévision, regardez ce qui ne t'est pas permis de regarder. Tu regarderas avec tes yeux les choses bonnes qui t'apporteront un bien. Comme regarder dans le Mus'haf, dans les Kutub, regarder, contempler la création d'Allah afin de pouvoir méditer. Rélez Alika. Regardez ce qui t'est permis. Et s'il me demande, je lui donnerai. Donc ce sera une cause pour que tes invocations soient exaucées. Et on avait dit tout à l'heure parmi les causes, l'invocation. Et parmi elles, l'isti'aza. Là dans le hadith, il le dit bien. Wal-isti'azani la'uizanna. S'il demande, cherche refuge auprès de moi, je l'abriterai. Et en même temps, ça revient à la 5e cause qui est que par ces actes d'adoration, fait sincèrement, tu pourras faire ta wasoul par ces actes-là pour que Allah t'exauce. Et parmi les actes d'adoration les plus importants, même le plus important à faire comme acte des membres, la salat. Faites correctement. Qala ta'ala wa aqimis salata inna salata tanaha anil fahshai wal munkar wa la zikrullahi akbar. et accomplit la salat, car cette salat empêche de faire les turpitudes et le mal, et le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah est plus grande. Regarde bien, cette salat empêche de faire le mal. Mais comment? Comment? L'imam al-Sa'di, rahmallahu ta'ala, il dit: وَوَجْهُ كُونَ الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُقِيمَ لَهَا الْمُتَمِّمْ لِأَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا وَخُشُوعِهَا يَسْتَنِيرُ قَلْبُهُ وَيَتَطَهَّرُ فُؤَادُهُ وَيَزْدَادُ إِيمَانُهُ وَتَقْوَى رَهْبَتُهُ فِي الْخَيْرِ وَتَقِلُّ وَتَعْظُمُ رَهْبَتُهُ فِي الشَّرِّ. Donc il dit justement, comment cela que la salat amène justement à empêcher de faire les turpitudes et le mal, c'est que justement le serviteur qui l'accomplit comme il se doit, qui complète parfaitement ses piliers, ses conditions, il est humble et concentré dans sa salat, son cœur va s'illuminer et va se purifier, et sa foi va augmenter, et son désir dans le bien va également augmenter, et son désir du mal va diminuer et se dissiper. Tous ces points cités là, en étant régulier sur la salat et en la faisant continuellement de cette façon là, cela empêchera à la personne de faire du mal et de tomber dans les turpitudes. Donc ce n'est pas seulement faire la salat, mais il faut la faire correctement. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala est interrogé. Quelqu'un lui a demandé pourquoi, en parlant de ce verset là, je fais la salat et malgré tout cela je tombe dans les munkarat, les choses mal, les choses mauvaises, les turpitudes. Il a dit, rahimahullah ta'ala, amma kunuka tusalli fa salatuka la tanahaka 'anil munkar fa la'alla salataka fiha kusur. Il a dit, le fait que tu fasses la salat, mais que cela ne t'empêche pas de faire du mal, il se peut que ta salat, elle soit mal faite. Lina salata allati tanha 'anil fahsha wal munkar hiya salat al-kamila. Car la salat qui empêche justement de faire les turpitudes, de les commettre et de faire le mal, c'est la salat qui est complète. التي تكون ولا وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحضار القلب وأداء العمل كما جاءت به السنة. C'est-à-dire que c'est la salat qui coïncide, qui coordonne avec l'enseignement du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, qui tu es ton cœur qui est concentré et que tu appliques chaque acte et chaque rite selon la sunna. وليس كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بل الصلاة المقامة التي أقامها الإنسان على الوجه الذي ينبغي. Mais c'est la salat justement, c'est celle qui doit être faite de façon convenable, celle qui est attendue du serviteur. Car des gens font la salat, ils la font mal, ils la font vite, ils ne la font pas dans leur temps, ils ne la font pas en groupe au masjid, ils ne la font pas avec humilité, ils ne la font pas en respectant ses conditions, ses obligations, ils ne la font pas avec ilm, comme on disait au début, la science également, ils n'ont pas le savoir. Ils n'ont pas appris selon les hadiths, selon la sunna authentique et selon les gens qui sont aptes à leur enseigner. Certains font la salat comme ils se débarrassent d'une dette. Je l'ai fait, ça, j'ai fini. Ça, c'est une salat qui ne va pas empêcher de faire du mal. Tu te débarrasses. Là, ce n'est pas celle-ci. Septième cause, s'éloigner de tout ce qui amène à ce mal et ces turpitudes, ces choses dont on est dépendant comme acte interdit. Éviter les lieux où cela se trouve, éviter les fréquentations, les gens que l'on côtoie, qui pratiquent ce genre de choses et qui nous incitent à le faire. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, à propos des gens de la caverne, où ils irtazeltumuhum, ma ya'buduna illa Allah, fa'u ila al-kahf, yanshurrakum rabbukum min rahmatih, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Que si jamais, lorsque vous éloignez d'eux, de ces gens-là, c'est-à-dire des gens qui adoraient les idoles auparavant de leur contrée, les gens de la caverne, se sont éloignés d'eux, se sont exilés, d'accord, les ont délaissés, ainsi que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, alors réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur répondra de sa miséricorde sur vous et vous accordera un adoucissement à votre sort. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Pour ne plus faire ce qu'ils faisaient auparavant, car ils ont vu la vérité, ils se sont éloignés des gens au sein de qui ils étaient auparavant, qui commettaient cet acte-là, ils sont éloignés des gens, du lieu et de l'acte, le tout. Et Allah Azza wa Jalla les a préservés de ce mal. Il y a ce fameux hadith dont on a parlé, de l'homme qui a tué 99 personnes, lorsqu'il s'est rendu auprès du moine et l'interroger, est-ce que j'ai une tauba à faire pour pouvoir justement expliquer cette faute que j'ai faite, ce nombre de meurtres que j'ai fait. Quand il est là où, laisse la tauba, tu n'as pas de tauba, tu n'as pas de repentir. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a tué ce moine. Ça a fait qu'il a tué 100 personnes. Puis il s'est rendu auprès d'un homme savant. Fasalahu, Ali min tauba. Est-ce que je peux me repentir d'avoir tué 100 personnes? Il lui a dit Nam. Qu'est-ce que donc il pourrait faire? Rempart entre toi et la tauba. Mais il lui a donné une condition. Il lui a dit Fakhruj min al-ard allati anta fiha wa intaliq ila ard kaza fa innaha ard su. Nam, il a dit fa innaha ard su. وانطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. Il a dit mais sors de la terre dans laquelle tu te trouves, car c'est une terre de mal, c'est une terre de mal, de char, et dirige-toi vers telle terre qui se trouve des hommes pieux qui adorent Allah, alors Allah adore Allah avec eux. Donc délaisse le lieu du mal dans lequel tu es, les gens du mal avec qui tu t'assois, que tu côtoies, et va vers les gens de bien et les lieux de bien. Et de là, la tauba de cet homme fut acceptée. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Nabi Saïd al-Khudri, la tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Ne fréquente que le croyant, et seul l'homme pieux mange de ta nourriture. C'est-à-dire tu ne fréquentes que les gens de bien. Quand tu invites des gens à manger chez toi, ce sont des gens de bien. Maintenant, des fois, il se peut que tu invites une personne de mal en vue de l'appeler, de la conseiller. Ça, mais c'est que c'est un moment où c'est toi qui auras la force. C'est toi qui auras le dessus. Et tu ne l'amènes pas ici pour rigoler avec lui, tu l'amènes pour le conseiller et pour le diriger. Et ça, le but. Sans quoi, il n'y a pas lieu de l'inviter. Et ce hadith est rapporté par Abu Dawud. Donc, Allah Ta'ala, wa ta'awanu ala al-bir wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ism wa al-udwan. Et entraidez-vous dans l'obéissance et la piété. Et ne vous entraînez pas dans la désobéissance et le péché. وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِدُونَ وَجْهَا. Et patiente et maintiens-toi avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, qui veulent par cela son visage. Donc il ne faut pas fréquenter les gens du mal. Les gens du mal vont apporter du mal. Comme quand le Ta'ala à propos de Shaitan, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Allez-vous donc prendre, c'est-à-dire Shaitan, ainsi que sa descendance comme alliés en dehors de moi, alors qu'ils sont pour vous un ennemi? Quel mauvais échange pour les injustes! Tu as changé le bien par le mal. Tu as délaissé Allah, les gens de bien, pour prendre comme allié Shaitan et sa descendance. Car même tu les vois, ces gens-là que tu fréquentes, ils sont gentils avec toi en apparent, ils rigolent avec toi, tu les vois qu'ils veulent ton bien. En réalité, ils sont un obstacle à ta réforme et au suivi de la droiture, car ils vont t'inciter à commettre ce qui te nuit. Et même s'ils ne t'incitent pas par leur bouche, le fait que tu sois avec eux, que tu les vois faire, cela influera sur toi et te poussera à faire comme eux. Car ces gens-là, si tu ne faisais pas ce genre de choses, ils ne seraient pas avec toi. Tu ne verras pas, mais c'est quelqu'un qui boit de l'alcool avec une personne qui est sobre, qui ne boit pas. Ils ne vont pas s'entendre, au bout d'un moment, ça ne va pas aller, car celui qui est sobre va dire, lui, il est saoul, il fait n'importe quoi. Et l'autre qui est sous, il va dire, mais lui, il est coincé, il ne sait pas rigoler, il ne sait pas jouer, il ne sait pas faire la fête. Il va le délaisser également. Ils ne vont pas pouvoir se lier. Comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Donc, tu veux laisser ces choses-là, délaisse les gens qui en font partie. Car ces actes-là t'amèneront à... Ces fréquentations t'amèneront à un regret en ce bas monde et dans l'au-delà. « Bayoum yaoudu zalimu ala yadei yakoulu ya leitani takastu ma'a rasoul sabila » Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'd isja'ani wa kana ash-shaytan lil-insani khazula. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, pauvre moi, que je n'ai pris le sensier avec le messager, c'est-à-dire j'ai suivi la droiture, la vérité, l'islam et la sunna et l'istiqama, pauvre moi que je n'ai pris un tel comme ami qui m'a fait égaré après que le rappel me soit parvenu. Et Shaitan abandonne la personne. C'est-à-dire que la personne a eu le rappel, on lui a dit ne fais pas ça. Malgré cela, il a continué. Il est resté avec un tel. Et il dit justement ça, c'est l'acte de Shaitan. Car Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Au final, il va t'abandonner. Une fois que tu auras commis l'acte, tu seras tombé dans l'interdit, il va te laisser. Il ne sera pas avec toi. Et on finira là par une fa'ida que donne Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son livre Al-Fawa'id. Je l'ai mis sur le site, je l'ai traduite, mais pas le mal à ce qu'on la répète ici. Il dit Faidatun jalilatun. Un enseignement très utile à comprendre. إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. Justement, il dit que les gens qui délaissent les choses dont ils étaient dépendants, dont ils étaient accoutumés par les choses interdites, eux ne trouvent de la difficulté en cela que ceux qui le font pour autre que Allah. Par exemple, tu vas voir les koufars, ils veulent arrêter de fumer, ils veulent arrêter de boire, ils font des cures, de désintoxication et autres, mais ils ont du mal, c'est difficile pour eux. Pourquoi ? Car le but, ce n'est pas de plaire à Allah. Ils le font pour leur santé, pour d'autres raisons, mais ce n'est pas pour Allah. Donc tu les vois, ils peinent à y arriver. فَأَمَّا مَنْ تَرَكَهَا صَادِقًا مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ فِي تَرْكِهَا مَشَقَّةً إِلَّا فِي أَوَّلْ وَالْهَلَى لِيَمْتَحِنَ أَصَادِقْ هُوَ فِي تَرْكِهَا أَمْ كَاذِبٍ. Mais quant à celui qui le fait pour Allah sincèrement, il le veut dans son cœur, il veut arrêter pour plaire à Allah Azzawajal et s'améliorer, lui ne trouvera pas de difficulté, hormis au tout début, les premiers pas. Pourquoi ? Car cela sera une forme d'épreuve pour lui, voir est-ce qu'il est sincère ou pas. Donc ça revient à ce qu'on disait au début, il va faire le premier pas. Il faudra qu'il soit sincère dans ce qu'il fait. Et s'il l'est, Allah par la suite va lui rendre la chose facile. Il arrivera à délaisser. Wallah, ça a été vu, des gens ont délaissé des choses dont ils étaient dépendants depuis des années, en un clin d'œil presque. فَإِنْ صَبَرَ عَلَى تِلْكَ الْمَشَقَ قَلِيلَ اسْتَحَلَتْ لَذَّتْ. Et que si jamais justement il patiente sur ce côté pénible des premiers pas du début, ça deviendra pour lui un délice et un plaisir. Ibn Sirin, il dit qu'il a entendu Shuleyh dire, en jurant par Allah, que personne n'a délaissé les choses pour Allah sincèrement, et après il était encore dans le besoin de cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans le besoin? C'est-à-dire qu'il y revient, il en a besoin, il ne s'en passe pas. Là, des fois, ça peut revenir des wasaouis, des souvenirs. C'est une épreuve pour voir si vraiment tu tiens sur la chose. Mais on va dire un manque au point que tu ne tiennes pas, tu ne dormes pas, tu n'arrives pas à gagner ton calme. Il te faut que tu fasses cette chose-là. Ça, non. Tu ne trouveras pas cela, bi'iznillah ta'ala. Il a dit, celui qui laisse une chose pour Allah, réellement, Allah lui remplacera par meilleur. C'est une parole qui est véridique. À la base, il y a un hadith qui est venu. C'est un hadith authentique avec des versions qui sont, elles, affaiblies. Mais le sens, il est vrai. Et même, c'est une chose qui a été constatée. Bitajriba. Et il dit que les choses que l'on obtient après avoir délaissé justement les choses mauvaises, elles sont de différentes sortes. Différentes choses pourront être obtenues qui combleront cette chose mauvaise qui a été délaissée. Il y a différentes formes. Et la meilleure des formes, c'est ce que Allah t'accorde comme quoi ? Comme amour pour lui. Et comme apaisement du cœur, et comme force, et comme énergie, c'est-à-dire dans le fait de faire du bien, et comme réjouissance, et comme agrément de son Seigneur. C'est-à-dire ton cœur, il est apaisé par le bien. C'est la meilleure chose que tu peux obtenir. Tu es apaisé, tu es rassuré, tu es actif, et tu es fort, et tu agrées ton Seigneur à ce qu'il t'a décrété. Aza, Arsanchi que tu puisses avoir. Maintenant, des gens peuvent dire, j'ai tout essayé, et malgré tout, je n'y arrive pas. On a vu chez des gens de bien qu'il y avait des choses, ils n'arrivent pas à délaisser. Peut-être que Allah Azzawajal t'éprouve par cette chose-là pour que tu perdures dans les efforts à fournir pour obtenir des récompenses, et t'élever en degré. C'est-à-dire que toi, tu vois que tu n'y arrives pas, et en fait, en continuant, et en persistant, en perdurant, tu te renforces. Tu prends de la récompense sur les actes que tu fais. Et quand même tu viendras à mourir en ayant encore envie de ces choses-là, tu seras récompensé pour l'effort que tu as fait. Comme encore la Ta'ala, « Inna allazina jahadu fina, lanahdiyanna musubulana, wa inna Allah la ma'al mursinin » Que ceux qui ont combattu en nous, nous les guiderons sur nos sentiers et que Allah est avec les bienfaisants. Donc cet effort que tu fais, Allah il le voit, il n'est pas perdu, il n'est pas vain. Donc s'il y a probablement derrière tout cela, il y a une sagesse. Il y a une sagesse que Allah connaît, que tu ne connais pas toi, mais toi tu te dois de continuer, de persévérer et de ne pas lâcher les causes. وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Tu dois continuer quand même malgré tout. Et tout cela ne sera pas perdu, ne sera pas en vain. Car il y a des gens des fois, justement, ils étaient accros à une chose, مثلا, et ont pu s'en délier, bismillah ta'ala, et par la suite n'ont pas été reconnaissants. Peut-être même qu'ils se sont attribués le bienfait eux-mêmes. J'ai eu la force de faire, c'est moi, alhamdoulilah, j'ai pu faire telle et telle chose. Sans remercier Allah, savoir que c'est Allah qui lui a donné. Donc cela est une épreuve pour lui. Par la suite, il en a tiré peut-être un plus grand mal. Car il a attribué le bienfait à sa propre personne et non pas à celui qui lui a accordé cela. Il n'a pas été reconnaissant. Lui, il sait, et toi, tu ne sais pas. Quoi qu'il en soit, persiste et continue. Persiste et continue, il ne faut pas désespérer. « وَمَا يَكْنُتُمِ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُظَّالُونَ » Et seul désespère de la miséricorde d'Allah, les peuples égarés. « فَعَلَّذِي أَرَدْنَا الْيَوْمِ مِنْ هَدِي الْكَلِمَةِ وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ